Kim Yong-nam, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême de la République populaire démocratique de Corée, a envoyé le 2 octobre un message de félicitations au président guinéen Alpha Condé à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance guinéenne. Le destinataire s'est convaincu du développement continu de bonnes relations d'amitié et de coopération de deux pays qui ont de longues histoires et traditions. Il a souhaité grand succès au président et au peuple guinéen dans leurs efforts pour réaliser l'unité nationale et édifier la Guinée paisible et prospère.